À quoi dans le Mercedes? Je perds pas le nord, je parle pas par SMS. Je me montre pas quand je sors dehors. Capuché dans le North Face, les ovnis sont casqués comme les Daft Punk. Dans ma bulle, je suis encore space, je fais du rap, drill, trap ou de la funk. À quoi dans le Mercedes? Je perds pas le nord, je parle pas par SMS. Je me montre pas quand je sors dehors. Capuché dans le North Face, les ovnis sont casqués comme les Daft Punk. Dans ma bulle, je suis encore space, je fais du rap, drill, trap ou de la funk. Fare tetto a tetto, sentinelle sopra i tetti, scemo. Trovi in giro con i G-Killer, cavallini vanno avanti e indietro. Mentre tu posti su internet, ti sto postando nuovi fari neo. E un nuovo Mercedes MG, metto sporto scompaglione nero. L'ultimo che ha fottuto con me, non l'hanno trovato più come Nemo. Credo solo in questi fottuti cash, io l'unica persona al mondo che temo. Ho iniziato rubando vestiti, staccandogli l'antitaccheggio. Con la leggenda, dentro un parcheggio. Mi è andata qualche volta meglio e qualche volta più. Life da loca, strilla come un'oca. Pazza per la coca, e vuole sempre ancora e ancora. Porta dopo porta, gli sembra sempre più buona. Un pusher te la porta, di soltanto a chi ora, a chi ora. A quoi dans le Mercedes, je perds pas le nord, je parle pas par SMS. Je me montre pas quand je sors dehors. Capuché dans le North Face, les ovnis sont casqués comme les Daft Punk. Dans ma bulle, je suis encore space, je fais du rap, drill, trap ou de la funk. Dans le Mercedes, je perds pas le nord, je parle pas par SMS, je me montre pas quand je sors dehors. Capuché dans le North Face, les ovnis sont casqués comme les Daft Punk. Dans ma bulle, je suis encore space, je fais du rap, drill, trap ou de la funk. Je connais des mecs, Bungie, Bungie, Bungie, des quartiers nord jusqu'à Bungie, Bungie, Bungie, force poteau en Kanji, Kanji, Kanji, BDA, je suis anti, anti, anti. Plata. On veut de l'or et du plata. Les mêmes habits, les mêmes potes. Même si demain je suis riche comme un Qatar. Bâtard, je fais le signe au radar. J'aimerais me voir à terre. Sourire du joker dans la Jaguar. À 20 ans j'étais bleu sur la piste. Au réveil je fumais le pète dans le bloc qui sentait la pisse. À l'affût de la police, des fils et de putes qui voulaient que je glisse. Au chaleur la mise, au chevelise. Elle aime quand je mets les ASICS et que je fais les mèches grises. À quoi dans le Mercedes? Je perds pas le nord pas par SMS, je me montre pas quand je sors dehors. Capuché dans le North Face, les ovnis sont casqués comme les Daft Punk. Dans ma bulle, je suis encore space, je fais du rap, drill, trap ou de la funk. À quoi dans le Mercedes, je perds pas le nord, je parle pas par SMS, je me montre pas quand je sors dehors. Capuché dans le North Face, les ovnis sont casqués comme les Daft Punk. Dans ma bulle, je suis encore space, je fais du rap, drill, trap ou de la funk. À quoi dans le Mercedes, je perds pas le nord. Je parle pas par SMS. Je me demande pas quand je sors dehors. À quoi dans le Mercedes? Je parle pas le nord.